Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique Télécharge quoi? Et la chronique des petites mythologies de Martin Bertrand. Tout ça à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et Mathieu. Salut Mathieu. Salut Kiwan, t'as rasé ta moustache, sacripant. Ben oui, j'ai cédé aux pressions populaires, là, mais là en même temps, tu sais, il y a des gens qui sont déçus de la disparition de ma moustache, mais c'est ça la vie, hein, on fait des fois, on faut faire des choix. Des sacrifices. C'est ça, ça fait des heureux et d'autres moins heureux. Moi j'allais dire que l'opinion était très partagée au sujet de ta moustache entre les gens qui aimaient pas ta moustache et les gens qui détestaient ta moustache. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça laissait pas beaucoup de gens indifférents, je dirais. Vraiment pas. Aujourd'hui, à l'émission, on a Maxime Lemieux-Laramé, comme à tous les lundis, avec son blog Télécharge quoi et ses suggestions musicales. Cette semaine, il va nous parler de Plants and Animals, Bessnerd Lake et Sigur Rós. Aussi, aujourd'hui, dans les petites mythologies de Martin Bertrand, on va parler de viande hachée, c'est ça? Ouais, c'est incroyable comme sujet de la culture populaire, hein? T'as eu Paris Hilton, les films d'action, un paquet d'affaires qui ont du sens, c'est là la viande hachée. Pourquoi? Ben, vous le saurez tantôt. Ça couvre large, quand même. Très, très large. On va aussi avoir une chronique technologique CNX. Ah oui? Oui. Et peut-être même une surprise. Oui, peut-être une surprise. Wow. Peut-être. Qui sait? T'es tellement agace, Mathieu. Ben, je suis de même, moi, c'est comme ça qu'on m'appelle. Mathieu Agace Plante. On va commencer en musique tout de suite? Oui, avec la formation au bijou. Black Ice, à Assemblage requis. Ben, c'est ça. Rien de plus à dire que ça. Pourquoi continuer de parler par-dessus le début de la pièce quand on n'a rien à te dire de plus? Pourquoi? People Alors, on vient d'entendre Au Bijou avec Black Ice, n'est-ce pas, Mathieu? Ben, tout à fait, Kiwan. Alors, qu'est-ce qui s'en vient là pour la prochaine heure, disons? La prochaine heure? La prochaine quinzaine de minutes. Kiwan aurait juste été en plus court terme, par exemple. Ouais, j'ai mal imité Kiwan. Pas une très bonne imitation, Kiwan, du tout. Désolé. Ouais. C'est à peu près aussi bon que mon imitation de toi la semaine passée. Je sais, j'ai entendu, c'était parfait. Oh, oui, tu trouves? C'était digne de toi. Bon, merci. C'était nul, tu sais. L'intervention complète, on s'entend, était nul, ici? It was late. We sat by the fire. In the middle of the forest together in the dark. We were so scared. I played it cool cause I loved you. Heard a sound, and you heard it too. We held it closer, and I said to you, hold my hand. You squeezed it tight, and I loved you. I said, oh no, I don't believe it. Go. All alone. It was strange. The closer he came, the more that I could tell that he was sad and ashamed. But he smiled as he drifted by all alone. I was far too scared to run, so I just stared. Jusqu'à 17h. perdu tout seul, que j'étais l'unique responsable des sabordages et des naufrages. Mais sur la mer, je dois filer, ne pas me laisser dériver. Les esprits sont un peu trop faibles et les guerres un peu trop faciles à déclencher. Il n'y aura rien, pas d'espace à remplir, tu tiens juste une zone un peu tranquille pour laisser visiter les miens. Et l'horizon arrivera bien, et l'horizon arrivera bien, et l'horizon, et l'horizon arrivera bien. La pièce Distance usuelle d'Antoine Corriveau à Assemblage Requis. Oui, c'est une pièce qui est disponible gratuitement en téléchargement sur le antoinecorriveau.com. C'est une pièce qui va se retrouver sur son prochain album. Ça fait partie des quelques pièces qu'il a commencé à enregistrer en formule band avec son nouveau groupe dont fait entre autres partie Émilie Proulx. Et l'album, je crois qu'il n'y a pas encore de date d'annoncer, mais en tout cas, il y a un paquet de pièces comme ça qui sort à l'unité, comme ça, qui met sur ça, sur son MySpace ou comme celle-ci en téléchargement gratuit. Et aussi, la pièce qu'on vient d'entendre, nous, on l'a pris sur la compilation des Frères du Son parce qu'elle est aussi disponible sur cette compilation. Ouais, compilation de deux CD que vous pouvez télécharger gratuitement sur lesfrèresdusson.com. Allez-y, lesfrèresdusson.com. On est ensemble jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu à Assemblage Requis. Tout à l'heure, on va recevoir Maxime Lemulleramé et son bloc Télécharge quoi, qui va nous parler là-dedans de Plants and Animals, Bessner Lake et Sigur Rós. Ça s'en vient tout à l'heure. Ainsi qu'un paquet d'autres choses et des surprises, comme on l'a dit. Bon, peut-être, on va voir. Mais avant ça, on retourne en musique. Oui, on va écouter un peu de Parler. Voici Pen to the Paper à Assemblage Requis. La pièce Pen to the Paper de Parler à Assemblage Rockier. Ça rime moins, ça. C'était quand même un bel effort, Mathieu. Merci. Hey, c'est le temps, tout de suite, je pense, d'accueillir Maxime Muller-Amé pour sa chronique Télécharge quoi. Salut. Salut, Maxime. J'avais jamais dit salut à ce moment-là. Non, t'attends jamais le signal, toi. C'est quand ça te tente, quand tu le files. Ouais, j'aime beaucoup la liberté que vous me donnez ici là, pendant mon bloc Télécharge quoi. Alors, est-ce que ça va bien, tout le monde? Ben oui. Oui, la foule t'en délire. Ben moi aussi, ça va super bien parce que... Ça va super bien parce que les Alouettes ont gagné la Coupe Grey. Okay. Et puis, la fin de semaine prochaine, c'est Pâques. Alors, j'ai vraiment hâte à la fin de semaine prochaine. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler... Bon, oui, tu sais, souvent, je parle d'albums à venir. Puis là, je commence à être un peu tanné. Fait que... Va à l'encontre de la mission de ta chronique, finalement. C'est ben, ça? C'est ça. Fait que là, je vais vous parler de Best Nerd Lake, qui sort un album le 9 mars prochain. Alors, dans un mois. Ouais. Et puis, Best Nerd Lake, moi, je les ai vus à Pop... C'était quoi? C'était pas Pop Montréal, c'était le show qu'on avait M sur vu. Les quais. M sur les quais, c'est ça, je les avais vus. Je les connaissais de nom, je sais qu'ils avaient tourné un peu avec Patrick Watson. Alors, je me doutais dans quel genre ils faisaient. Puis j'ai vraiment aimé ça, plusieurs musiciens sur la scène, ça rock. Et puis, il y a une pièce de disponible sur leur MySpace qui s'intitule Albatross et qui va paraître sur le prochain album The Best Nerd Lake. Cet album-là s'appelle The Best Nerd Lakes Are The Roaring Night. Roaring. Roaring. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un verbe, ça, hein? Roaring. C'est comme un lion, genre roar. OK, c'est ça. Ben, je me demandais. Et puis, c'est sur l'étiquette Jack Jaguar. Hein? Comme un jaguar qui roar aussi. T'sais. Ben, c'est ça. Alors, Jack Jaguar, on sait qu'ils ont signé Bon Iver. Quoi d'autre? Black Mountain. Tu les connais, Black Mountain? Dinosaur Jr. aussi. Ouais, Okkervil River. En tout cas, des bandes indie. Et puis, ils vont être au Il Motor, pièce, salle de spectacle que je me promets d'aller visiter ultérieurement, d'ici les 55 prochains jours. Bon. Et alors, ils vont être là le 12 mars avec The Sunday Sinners. T'as compté les jours entre ici et le 12 mars, c'est ça? Non. 52, c'est un de mes chiffres préférés. C'est dans mon top 8 de mes chiffres préférés. Dans ton top 8, ah oui. Ouais, alors, c'est ça, on va écouter la pièce Albatross des Best Nerd Lakes. Uh-huh. Tout de suite, dans Télécharge quoi, à l'émission Assemblage requis avec Kiwan, Mathieu et Maxime pour l'instant. Tu comptes le temps jusqu'à temps que tu t'en ailles, ça, t'es tanné de nous autres. Ah, lui, là, un jour, il va faire comme un lion. Il va te roarer dans la face. C'est pas un personnage dans Gilmore Girls, ça. Roaring. Albatros de Besnard Lake avec une pièce qui, c'est ça, c'est une pièce qui va paraître sur le prochain album qui s'appelle comment? The Besnard Lake or The Roaring Night. The Roaring Night. Roar. Alors, soyez attentifs, ça va sortir bientôt. Alors, la semaine passée, j'avais dit, hein, je sais pas si on se rappelle, mais avant de commencer ma chronique, j'avais dit que j'allais parler de Plants and Animals. Oui, c'est vrai, oui. Et puis j'ai menti à nos auditeurs. Eh bien, je reviens cette semaine avec Plants and Animals qui vont sortir un album au mois d'avril. C'est ça qu'on a dit, 20 avril. Le 20 avril, oui. Qui va s'intituler La La Land. Moi, c'est un des bands que j'apprécie le plus. Admettons, un de mes bands préférés anglophones montréalais. Avec d'autres bands, mais dans mon top 4. 4. 4. Alors, c'est un CD que je me suis procuré, la vraie version, là, CD avec le carton et tout. C'est un démo. S'intitule With/Avec. Oui. With avec EP. Oh, EP. Et puis la pièce que je vais faire juste s'appelle Lola Who. Et puis c'est une pièce que j'adore. Alors, c'est, dans le fond, pour vous mettre dans un espace temporel, c'est le EP juste avant Park Avenue de 2008. Alors, cette pièce-là, je l'adore. Lola Who de Plants and Animals qui sort un album au mois d'avril. Go Mathieu, play. Là? Ouais. Non, je voulais juste te faire remarquer que c'est le fun de la pochette. Ouais, il y a comme du faux café dessus. C'est comme si on avait renversé du café dessus. J'ai renversé du café. T'as pas renversé du café. Non, mais c'est ça le look du. Tu sais, c'est dans le CD, c'est pas toi que. Non. Ben, je suis sûr que oui, parce que j'ai renversé du café récemment. T'as-tu renversé du café pour vrai? Ben non, mais c'est ben trop bien fait. Ah, ok, ben. Ah, ben c'est fait comme ça d'abord. Si, pas. T'es un artiste du renversage de café. C'est comme les éléphants qui prennent leur caca puis en mettent partout sur une toile puis ils appellent ça de l'or. Ben non, wow, je suis pas un éléphant. one of me. Lola Who, Plants and Animals, qui vont être à Peterborough. J'ai perdu la date, mais ils vont être au Chien au, Rouge. Au Red Dog, exactement. Au Red Dog. Et, juste une petite spécificité là, pour ceux qui seraient tentés d'aller faire un tour au Red Dog à Peterborough. Juste dire, c'est vraiment spécifique pour les spectacles qu'il y a là-bas. Là. Je sais que c'est peut-être pas si pertinent à dire, mais bon, si jamais vous utilisez la toilette des hommes, celle qui est au fond, faites attention, des fois la porte elle reste barrée de l'intérieur. Donc, ah. C'était juste ça que je voulais dire par rapport au spectacle. Merci, Kiwan. T'es là exactement pour ces choses-là. OK, troisième artiste dont je vais parler. C'est ça, parce que là, aujourd'hui, je suis arrivé avec des CD. À part pour Best Nerd Lake, là, qui est la pièce est sur MySpace. Mais c'est des CD en plus que t'as acheté, là. Ils t'appartiennent. Oui, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'achète toujours ma musique, mais là, c'est des CD. D'habitude, j'achète des iTunes ou des Zik.ca. Napster, là, des affaires de même. Alors, c'est ça, j'ai acheté le dernier CD de Sigur Rós. Je pensais qu'il était plus récent que ça, mais il date quand même de 2008. Et puis, j'aimerais ça que Mathieu, tu me lises le titre de l'album, s'il te plaît. Avoir su, je serais allé sur Amazon où c'est écrit en caractère. Là, ouais, c'est ça, mais parce que Sigur Rós, c'est un groupe islandais. Hein, faut le mentionner. Alors, Mathieu, vas-y. OK. Je ne sais même pas c'est quoi les lettres, sérieusement. Je ne sais même pas si ça existe. Medsud et Erum Vitspilum Endalaust. Mais je sais que la pièce de qu'on va écouter tantôt s'appelle Vitspilum Endalaust. C'est juste la fin de la même phrase. Ah, qui, OK, je comprends. C'est ça. Alors, c'est quand même vulgaire, je trouve, là, comme parole, pour faire passer ça l'après-midi. Il y a des fesses en plus sur la pochette. Ouais. Fait que là, wow! Ben, là, c'est pas pour ça que j'ai acheté la pochette, là. Mais non, hein. En tout cas. Les patriotes dans les douches, là. C'est un. C'est du passé, ça. T'es-tu archéologue, toi? Alors, Sigur Rós, j'avais plein d'affaires à dire, là, dont où est-ce qu'ils vont être en spectacle, mais Mathieu, tu me fais perdre le fil de mes idées. Parce que c'est ça, Sigur Rós vont être en spectacle prochainement. Est-ce qu'ils vont être à Berlin prochainement? Ben, c'est ça que je veux vérifier, parce que Berlin, c'est la destination hein, pour un groupe qui passe assez fou. Alors, je veux juste m'assurer qu'ils passent bien à Berlin. On me dit que oui, mais je vais en reparler après la pièce. Ouais. En passant, je suis allé voir sur Amazon où c'est écrit en vrai caractère. OK, vas-y. Bon. Mais c'est des lettres qui n'existent pas en français dans nos lettres okay. À nous. C'est genre des O avec des tildes dessus, comme en espagnol, là. Ah, donc, c'est okay, pour ça, nous, on pense que c'est des D, mais non! Non, c'est pas des D. Du tout. Fait que c'est pas med, c'est mais, puis là, O avec un tilde. Ah, c'est ça que je voulais dire. J'ai vu sur Sigur Rós, j'ai vu sur Pitchfork, bon, ils le présentaient pendant, je pense, une semaine, mais c'est un DVD, dans le fond, de leur tournée. Pas une tournée, mais un spectacle, en fait, en Islande. Le DVD s'appelle Eima. Alors, c'est ça, c'est live, c'est Sigur Rós live en Islande. Et puis, c'est vraiment cool, là, je veux dire, l'Islande comme pays. Hein? Toi, t'es déjà allé en Kiwan en Islande? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été, par contre. T'es allé jeune, ouais. C'est ça? Ouais. OK. Alors, la pièce qu'on va faire jouer... Répète-la donc, Mathieu. Ben, en tout cas, selon ce que je vois sur Amazon, Vio Spilum Endalaust, quelque chose du genre avec quelque chose okay. De proche. appeler. Non, mais moi, je veux que vous continuiez à parler de choses par rapport et puis de dire vos voyages. Ça a vraiment rapport, là. Voyons, c'est un groupe islandais. Kiwan est déjà là en Islande. Pour une fois que sa culture nous est utile, là, à l'émission. Ouais, ben c'était sur le chemin, en fait, entre mon village natal et Trois-Rivières, ici. Donc, c'est comme le relais entre les deux. Ouais. Bonne écoute. C'était Sigur Rós et la pièce. Bah. Parce que, Vio Spilum Mandelaust. Qui est sur l'album. Elle est comment? Meo Sutei Serum Vite Spilum. Badaboum Badabing Shabadababoum. Les gens ont compris que c'est en islandais. Et puis moi, je quitte. C'est ça. Je quitte là-dessus. Après avoir dit. Tu quittes le bateau. Ouais, je quitte le navire un peu comme. Notre ami Bob, c'est Robert. Ça. Bobby. Alors, adieu. On se revoit la semaine prochaine. Merci, Maxime. Ça me fait plaisir. Ouais, merci. Lundi prochain. Lundi prochain, promis. Pour une autre chronique télécharge, quoi. Voilà donc pour Maxime Lemieux Laramé, qu'on retrouve tous les lundis ici à Assemblage Requis. Nous, on prend une petite pause très minime. Minuscule à peine, le temps de se dire comme ciao, bye, bonjour, à te revoilà. Même pas. À peine. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, c'est comme un balai. Comme un balai. Comme un balai. écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. Toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Plus tard, juste un petit peu plus tard, on va voir Martin Bertrand et ses petites mythologies. Cette semaine, il va nous parler de viande hachée. Vous allez avoir une chronique CNX d'ici la fin de l'émission, je crois. Oui, tout à fait. Mais tout de suite, on va aller en musique. Tu veux nous faire écouter une pièce... Non, tu peux parler. Trois accords. Trois accords, ben oui. Toquer des coups. Toquer des coups. Toquer des coups. Toquer des coups. Assemblage Requis. 89 FM. Les trois accords et croquer des coups de leur plus récent album Dans mon corps. J'aime bien cette pièce-là, moi. Ouais, j'ai cherché, j'ai entendu ça à un moment donné ici, assez fou. Je trouvais ça tellement bon, puis j'ai cherché un petit peu, puis c'est ça. On le découvre petit bout par petit bout, cet album-là, puis on a chacun des pièces, à travers d'autres gens ici à la station, puis des gens que je connais, toute une pièce ou deux, tu sais, qui nous accroche à cet album-là. Ouais. C'est comme, pour tout le monde, on dirait que c'est comme un peu inattendu, tout le monde qui n'a jamais trop aimé les trois accords. Puis pourtant, l'album n'est pas si différent de ce qu'il faisait avant, juste, il est très bon. On les redécouvre si on veut. Ouais. Moi, je trouve que les trois accords, c'est le genre de groupe, personnellement, que j'écouterais peut-être pas l'album au complet, tu sais. Mais c'est ça, une ou deux pièces comme ça, là, ouais. Bon, donc leur album est Dans mon corps. Tout à l'heure, les petites mythologies, c'est pas tout de suite ça, tantôt. Dans notre deuxième heure, on va avoir les petites mythologies de Martin Bertrand. On se tartine le contenu aujourd'hui. Pour tout de suite, on va aller écouter une nouvelle pièce des Vulgaires Machins. Ça va être sur leur prochain album. La sortie est annoncée. Ça va être le 2 mars prochain que le nouvel album des Vulgaires Machins va sortir. Ça va s'appeler Requiem pour les sourds. Et il y a déjà une pièce que vous pouvez écouter sur leur site, vulgairemachins.org, je crois. Et oui. C'est ça, donc vous pouvez écouter la pièce Parasite sur leur site. Vous allez voir, moi je l'ai écouté, un peu, une ou deux fois la pièce. Pas encore, puis de toute façon c'est juste une pièce sur les 13 de l'album. Ça me semble vraiment être dans la continuité de l'album Compter les corps qui était sorti juste un peu avant. L'album que les grands fans, les fans des premières heures des Vulgaires Machins avaient trouvé un peu trop commercial, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que ça reste quand même du très bon rock, du punk rock même. C'est sûr que c'est moins typiquement punk que les premiers albums, que l'album 24-40 avec des pièces de 1 minute et demie qui sont super rapides. C'est sûr que c'est moins rapide les derniers albums des Vulgaires Machins, mais je trouve que c'est quand même très bon, même si le son, oui, est un petit peu plus rock, un peu moins punk. Ça reste quand même ça reste fidèle à l'esprit des Vulgaires Machins. Les paroles sont toujours revendicatrices, engagées, et je pense pas que les Vulgaires Machins font de la musique pour plaire à quiconque. Ça donne que ça plaît à certains, puis tant qu'à avoir quelque chose de mauvais dans des radios X comme commerciales, là, aussi bien avoir des Vulgaires Machins une fois de temps en temps ou 10 minutes pour eux autres. Vraiment. Au moins, c'est bon. T'sais. Donc, on écoute Parasite de l'album Requiem pour les sourds qui sort le 2 mars des Vulgaires Machins. Et Marie-Louis ne suivra pas. Nous sommes la crasse. presque difficile de reconnaître ça comme une nouvelle toune, mais bon. Ah, c'est sûr que musicalement, ça ressemble beaucoup là, au son de Compter les corps. Mais comme je disais tantôt, c'est juste une pièce. On n'a pas entendu l'album au complet. Mais c'est sûr que c'est en même temps, c'est leur cinquième album, je crois. Donc c'est sûr que maintenant, si tu veux pas changer complètement de son, rester toujours un peu dans la même lignée, c'est dur de se renouveler constamment. Mais c'est en même temps, c'est ça la vie, c'est ça le défi quand tu fais de la musique. Mais en tout cas. Je vais attendre d'entendre l'album au complet avant de juger. Ben oui, l'album s'appelle Requiem pour les sourds et cet extrait-là, Parasite, est sur leur site web au vulgaremachin.org. Nous, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis, émission du retour en pièces détachées. Il va y avoir une deuxième heure tout à l'heure avec, et là, on va arrêter de le dire, hein, on fait ça des fois, il me semble, annoncer le contenu comme beaucoup trop longtemps à l'avance, t'sais. Encore et encore et encore, mais Martin Bertrand va être là tantôt pour parler de viande hachée. Restez là. Oui, oh, c'est Enix aussi. C'est fou dans ton char. 89-1-1-1. Toujours à Assemblage requis, là, Kiwan a comme découvert l'ancêtre du Game Boy. Là, toi, à la place du iPad d'Apple, là, tu t'es dit, je vais prendre l'horloge dessus le mur puis je vais m'arranger avec ça. Mais non, mais c'est super le fun. Non, c'est pas. Sérieusement, c'est pas par plaisir, mais bon. Je sais pas si on l'a entendu tantôt en ondes, mais on avait un petit problème d'horloge qui arrêtait pas de sonner. Puis là, ben, ça fait à peu près 5 minutes que j'essaie de la régler, mais c'est très compliqué. Pourquoi ils mettent pas plus de boutons que ça? Ça coûte-tu si cher le bouton, ces maudits horloges-là? Je comprends pas. Ouais, c'est ça, ouais. Hey, aujourd'hui, on se garde dans les effets sonores. Fais-moi ça, descend dans ton micro. Ça va être drôle. Cœur. On s'en va entendre les petites mythologies de Martin Bertrand. Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand, sur les ondes de C'est fou. La viande hachée. Parmi les produits de consommation culinaire les plus habituels se trouve au supermarché, dans le réfrigérateur du fond, la viande rouge hachée, emballée dans le styromousse et le cellophane. Passage hebdomadaire obligé, on oublie presque notre pèlerinage devant ce comptoir tellement il devient habituel. Et on préfère oublier toutes les étapes qui ont amené le produit jusque-là. L'homo sapiens contemporain des sociétés dites civilisées n'est donc plus une espèce qui se nourrit d'animaux. Il est un sarcophage, provenant de sarco, chair, et de phage, signifiant mangeur de. Il a aboli dans son esprit tout lien qu'il eût pu y avoir entre l'animal de départ et le produit de consommation qu'il retrouve sur les étalages, hypocrisie ultime ou autocensure mi-consciente. Mis à part quelques chasseurs, espèces en voie de disparition, il existe peu de nos contemporains qui seraient prêts à tuer, puis dépecer de ses mains, se couvrant de sang, un animal. Peu seraient même prêts à souffrir la vue d'une vidéo montrant un cochon se faisant saigner vivant. Pourtant, on achète sans trop se poser de questions sur son origine la résultante de la mort animale, sans aucun haut-le-cœur. Loin de prôner le végétarisme, j'aime néanmoins appuyer sur la contradiction dans les comportements sociaux qui semblent anodins. Si autrefois les villageois voyaient bel et bien l'animal se faire abattre avant de le manger, aujourd'hui, il est hors de question qu'on puisse souffrir la même chose. La preuve en est la grogne populaire qui a pu soulever une émission comme Martin sur la route, où l'on voyait le chef cuisinier Martin Picard partir à la chasse, dépecer ses proies et les apprêter ensuite. De même, si on laisse bel et bien les vaches brouter dans les champs à la vue de tous, on a relégué les abattoirs au plus profond des campagnes, dans des bâtisses fermées sans fenêtres, aussi hautes afin d'épargner à la vue du public la sale besogne de l'abattage. La dite sale besogne n'en existe pas moins. Mais si on ne la voit pas, elle n'est plus pernicieuse. Le summum de l'hypocrisie est atteint, quant à moi, dans les McDonald's, où la viande hachée, qui n'a même plus l'air de viande, atteint le titre de friandise pour enfants sous forme d'un immense sandwich, servi par un clown aux allures sympathiques, dans un emballage de carton jaune et orangé, bon marché. Dans ces joyeuses conditions, plus même question d'imaginer que la source de telle réjouissance puisse être un animal abattu. Ce serait même péché contre la si grande candeur du produit. Premier aspect de cette hypocrisie institutionnalisée, il y a la société de consommation dans laquelle nous vivons, où nous ne voyons que le produit et jamais le processus, puisque la plupart des marchandises que nous achetons sont fabriquées à la chaîne. Même ceux qui les fabriquent ne voient qu'une infime partie des étapes de leur confection. Nous avons perdu tout contact avec le travail que peut nécessiter la création d'un objet. Le sens de l'effort est oublié. Condition ultime pour qu'on puisse jeter impunément tout ce qu'on achète pour le elle a été prélevée sur un animal qu'on a tué pour l'obtenir. De la même manière qu'avec les produits manufacturés, l'abattage et le dépeçage sont devenus un travail à la chaîne et la chair animale un produit de consommation comme les autres, jetable. Deuxième aspect de la problématique, nous vivons dans une société aseptisée qui s'aveugle elle-même quand elle ne veut pas voir, quand une vision lui semblerait trop immorale ou insoutenable. Du coup, les comportements de nos contemporains ne changent pas, mais leur esprit est libre de remords. C'est sans doute là que se trouve le soleil éternel de l'esprit sans tache, pour reprendre un titre de film bien connu, mais dont la traduction ne rend pas honneur au titre original, « The Eternal Sunshine of the Spotless Mind ». De même, bien que la viande hachée emballée soit le produit évident de l'abattage et du dépeçage animal, nos contemporains préfèrent oublier les étapes intermédiaires entre l'animal et le produit fini, comme si elles n'existaient pas. C'était une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand, sur les ondes de C'est fou. Merci beaucoup, Martin Bertrand. On se rappelle que ces chroniques, les petites mythologies, sont ici à Assemblage Requis. C'est tous les lundis. Et la chronique de la semaine prochaine portera sur le bonheur en pilule. Parfait, donc à lundi prochain pour Martin Bertrand. Maintenant, on vous en a parlé un petit peu la semaine dernière et aussi en début d'émission, on vous parlait qu'on aurait une surprise. La semaine dernière, on parlait du groupe Colorado, dont on a une pièce qui est sur le palmarès ici, assez fou. Et on a Meno du groupe Colorado qui est au bout de la téléphone, ligne, au bout du téléphone, c'est ça, présentement. Bonjour Meno. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Le groupe Colorado, vous êtes formé dans une petite ville en Ontario, qui s'appelle Manotick. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment le groupe s'est formé et depuis combien de temps vous existez? On vient de Manotick et on vivait sur la même roue. On était des voisins. Le drummer et l'autre guitariste, ils sont des frères. Alors, c'était juste naturel qu'on jouait de la musique ensemble. On commençait nos premières jouer, c'était... On jouait des covers dans un petit bar dans Manotick. On jouait des Yardbirds, des Rolling Stones ensemble. Et après ça, on a décidé de venir in band. OK, vous allez sortir demain. En fait, l'album va être disponible en magasin demain. L'album s'appelle Record in a Bag. Pourquoi est-ce que l'album s'appelle comme ça? Parce que l'album se vient dans un sac de Ziploc, un sac en plastique. On a commencé à faire ça quand on fabriquait des démos. Sorry for speaking English, but we burned it. We made burn CDs. Et alors, on avait pas une chose à mettre le CD dans, mais on a trouvé des sacs, des Ziploc dans notre, sur la table. Alors, on met les CD dans ça et on les vendait comme ça. Et on a appelé Demo in a Bag. Alors, quand on voulait faire un album, on a appelé Record in a Bag. OK. Et là, l'album qui sort demain va être et en fait lancé sous l'étiquette Royal Mountain Records et Arts and Craft. Oui. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les compagnies? Parce que là, en fait, l'album qui sort demain va encore être disponible dans un sac, c'est bien ça? Oui, vraiment. Alors, on devait convaincre le distributeur de mettre dans les magasins, dans un sac. Et c'était un peu difficile, mais finalement, Arts and Crafts, il voulait faire la distribution avec le CD dans un sac, alors ça a fonctionné. Aussi, les sacs viennent avec des surprises dedans. Il y a comme des... détruire la surprise, mais il y a beaucoup de bonnes choses dans le sac. OK. Vous avez aussi inventé, si on veut, le principe de la tournée résidence. Qu'est-ce que c'est au juste? La tournée résidence, c'est une chose qu'on a fait le février dernier, où on a fait une résidence dans une bar dans cette ville. Donc, tous les dimanches, on jouait le même dans le mois de février. On a joué le même bar dans Boston. Tous les lundis, on jouait le même bar appelé Pianos dans New York. Mardi était La Colle, mercredi était Hamilton, puis Toronto, Ottawa, et les samedis, on jouait au Barfly dans Montréal. Et tu fais ça quatre fois dans le mois de février, alors ça, c'est une tournée de résidence. Donc, ça fait quand même beaucoup de routes, là, si je comprends bien. Oui, c'est beaucoup de voyages. On devient un peu fou avant que le fini de ça. OK. Mathieu? Q1? T'es fin de me pitcher la balle la main. sinon, c'est qu'est-ce qu'on peut demander? Oui, c'est ça. On se demandait comme ça, qu'est-ce que vous écoutez justement quand vous faites de la route comme ça pour vous déplacer d'une ville à l'autre? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Vous, c'est quoi vos influences? On n'est pas notre stéréo était brisé. OK. Alors, on ne peut pas écouter la musique. Mais on a une petite télévision qu'on a dans le van qui fonctionne. Mais on met dans le tournée l'année passée de résidence, on a vu Jurassic Park beaucoup de fois. OK. C'est un peu difficile quand il y a une tempête de neige et on conduit sur la route et c'est très dangereux. Et écouter les sons des dinosaures manger des personnes dans Jurassic Park, c'est un peu énervant. Ouais, ça peut être déconcentrant, effectivement. Oui, mais aussi on aime beaucoup de musique comme Tom Petty et Malajub, on aime beaucoup. C'est de nos favoris. OK. Vous avez joué déjà, même si vous êtes quand même un groupe assez jeune, vous avez joué en Chine, au Brésil, en Argentine, donc pas mal partout autour de la planète. Mais est-ce que vous avez déjà joué à Trois-Rivières? Non, on n'a pas encore joué à Trois-Rivières. On veut vraiment, vraiment, parce que c'est vraiment proche de Montréal, alors on veut aller à Trois-Rivières. Moi, j'ai joué là une fois avec mon ancien groupe. On a joué à Trois-Rivières, mais Colorado, on n'a jamais joué là. OK, avec la sortie de l'album demain, est-ce que dans les prochaines semaines, vous prévoyez justement faire une tournée du Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret encore, des dates à annoncer? Ou? Oui, on va faire une tournée canadienne avril. OK. Alors, j'espère que Trois-Rivières va être sur ça. Bon, est-ce qu'il y a une personne qui écoute, qui veut faire une show pour nous? On va faire. Juste écris-nous un courriel. Notre email address, c'est hollerado@colorado.com. Et on peut jouer dans ton maison ou une partie ou quelque chose. On va jouer n'importe où. Alors, wow. Si quelqu'un écoute, veut faire une show avec nous, écris-nous un email et on va venir. Parfait. Donc, l'appel est lancé. Si jamais quelqu'un veut avoir Colorado en spectacle, on va mettre les coordonnées en fait, du groupe sur le site web de l'émission assemblagerequis.com. Ah, bonne idée! Oui, et si les gens veulent aller en savoir plus sur vous, il y a colorado.com et le site est vraiment très intéressant à regarder. Tout est écrit à la main. C'est oui, joli. Oui, le concept du site Internet, qui a eu l'idée? J'ai fait moi-même parce que une fois, on a payé quelqu'un pour faire un site professionnel. Ça coûte cher. Hein? Et c'était beaucoup d'argent. On a eu une grant de monnaie de gouvernement pour faire le site web. Et la personne, c'était comme 3 000 $ quelque chose qu'il a coûté. Et le site web était vraiment de merde. c'était terrible. It was so stupid. Alors, moi, je veux le faire moi-même, alors je ne sais pas comment faire de... C'est très réussi. C'est dans le fond dessiné sur une feuille de papier et puis scanné et puis mis sur la page. Mais c'est parfait parce qu'il y a quand même des liens vers vos pièces sur iTunes, plein d'informations sur de quoi va avoir l'air le CD avec les surprises. Il y a même un vidéoclip pour votre pièce Juliet. Oui. Est-ce que c'était votre premier vidéoclip? Non, on a fait une avant pour notre chanson Americanorama. Oui, c'est vrai, avec Dave Foley. Oui, Dave Foley est dans la vidéo. Si tu aimes Kids in the Hall, il est dans la vidéo. On nous aime Dave Foley beaucoup, alors c'était vraiment cool pour avoir lui dans notre vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez un site en chinois aussi? Moi, je suis dans le camion et je peux pas entendre. Tu peux dire ça encore? J'ai dit, vous avez un site en chinois aussi. Oh oui, on a un site en chinois parce que notre amie en Chine qu'on a rencontrée, elle a fait le site. Alors, quand on va en Chine, les personnes en Chine peuvent lire et venir à nos shows. Et c'est sur le même concept, écrit à la main. C'est super joli. Olerado.com ou Olerado.cn pour les gens qui veulent aller sur Internet vous trouver et vous se renseigner sur l'album Record in a Bag. Alors, merci beaucoup, Mano, d'avoir partagé ces minutes-là avec nous. Oh, merci à vous. Donc, on va surveiller les tournées éventuellement. Et si jamais quelqu'un veut inviter Colorado chez eux, ben les coordonnées sont sur le site Internet. Sinon, déjà, pour tout le mois de février, vous êtes au Divan Orange à Montréal tous les samedis. Oui, tous les samedis. Alors, ça, on n'est pas très loin. Alors, si quelqu'un veut venir... Ben oui, tout à fait, ça se fait très bien. Mais on veut vraiment... aller jouer à la maison de quelqu'un, une party de maison, quelque chose en Trois-Rivières. Alors, quelqu'un lance-nous un courriel. Parfait, donc l'appel est lancé. Pour les barbecues cet été, ça va être parfait. Ah oui, on aimerait ça beaucoup, on aime les barbecues. Super. Est-ce que tu veux choisir une pièce de l'album Record in a Bag pour se quitter? N'importe quelle. Oh, peut-être tu peux jouer Got to Lose? D'accord, très bonne idée. OK, cool. Merci beaucoup. Yeah, nice to meet you guys. Merci. Bye. Bye bye. On écoute Colorado et Got to Lose tout de suite. Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées au 89 FM. You got to lose love if you want to find love. You got to lose. living in telephone lines. We came down from the trees, singing and telling lies. Like you got to lose love if you want to find love. You got to lose love if you want to find love. And you got to lose love if you want to find love. And you got to lose love if you want to find love. La pièce Got to Lose du groupe Holerado, si vous voulez réentendre l'entrevue qu'on vient de réaliser avec le chanteur Menno Vergstig, vous pouvez aller sur, ben en fait pas tout de suite, là, attendez quelques heures, disons demain, vous pourrez réentendre l'entrevue au complet en balado-diffusion sur le assemblagerequis.com ou c'estfou.ca. C'est de la pression ça! Prenez votre temps, là, soyez pas trop pressé. Mathieu va mettre ça en ligne sous peu. C'est ça, parce qu'il y en a d'autres choses à faire, Mathieu. Hein? Hey, tu voulais me demander une question tellement pertinente, toi. Tu me connais, là, mais à fond. Ben oui, je te connais quand même bien. Puis je m'en allais te poser une question aussi ridicule, par exemple, que je sais pas, de demander à. Je sais pas, je m'embarquerai pas là-dedans. Mais non, je m'en allais te demander hey, qu'est-ce que tu as fait hier pour le Super Bowl, Mathieu Plante. Hey, en gros, rien du tout. Et toi, de dire le Super quoi? Le Super quoi? Ouais, c'est ça. Hein? Hein? Donc, un parti de cuisine, Tupperware? Ouais, le Super Bowl. Ouais. Non, ça je suis curieux, qu'est-ce que tu voulais me demander? Tu voulais t'embarquer dans quelque chose? Non, non c'est ça, je voulais te demander si toi, t'avais eu aussi des difficultés que moi à te remettre ce matin de cette soirée-là, mais apparemment non. Mais ouais, non, c'est sûr. Là, le Super Bowl, c'est toujours une occasion pour ceux qui aiment un peu le sport de profiter d'une belle soirée bien arrosée. Mais je te dirais que c'est pas tant l'alcool dans ce genre de soirée-là, je trouve. Moi, personnellement, qui m'agane, c'est vraiment la quantité incroyable de malbouffe qu'on peut... Puis en plus, la semaine passée, Nicolas Ducharme, dans son émission, a fait des suggestions de bouffe différentes pour le santé Super Bowl, ou pis, pas, moi, surtout pas. Moyen, mais en tout cas, non, c'est ça, j'ai pas suivi ça du tout. Je suis allé avec la traditionnelle aile de poulet très épicée. Donc, puis plein d'autres trucs vraiment mauvais. Tu sais, nachos, extra fromage. Le lendemain, tu te réveilles, puis... Tu te sens pas bien. Ah, moi, c'est le soir même, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te sens jamais trop bien. Mais bon, toi, t'as pas ce problème-là, vu qu'hier, t'as écouté probablement, je sais pas, les Feux de l'amour. Ben oui, ça joue pas le dimanche, je pense. C'est vrai. C'est drôle. Feux de l'amour, le dimanche. Et on s'en va en musique avec Polype. On s'est bien perché. À Assemblage Requis. formation Polype et la pièce bien perchée de leur album Tropique du Cancer à Assemblage Requis. Ah oui. Vous savez quoi, il y a une conférence qui a lieu, c'est le 10, donc mercredi, avec Larry Hodgson, qui est un chroniqueur horticole connu à la télé, entre autres. Il fait aussi de la radio, entre autres à Radio Ville-Marie, et puis il y a des collègues dans le soleil. Donc, il va y avoir une conférence le 10 février sur les plantes grimpantes. Ça se passe au pavillon Maurice Pitre, qui est au 6455 Notre-Dame-Ouest, c'est près du pont. Et on a deux paires de billets à faire tirer de la part de la Société Horticulture de la Mauricie. Oui, c'est ça, c'est organisé par la Société d'Horticulture de la Mauricie, dont les objectifs sont, entre autres, de favoriser l'intérêt pour la qualité de l'environnement, offrir des activités de loisirs et de plein air, organiser des rencontres avec des spécialistes en horticulture, dont les conférences. Il va en avoir un paquet parce que c'est le 25e anniversaire de cette société-là, la Société d'Horticulture de la Mauricie, qui fait partie de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec. C'est des acronymes, ça. Et il va en avoir une par mois, même un petit peu plus qu'une par mois pour leur 25e anniversaire. Donc, il y a celle du 10 février, c'est mercredi, sur les plantes grimpantes avec Larry Hodgson, comme tu le disais. Il va en avoir un paquet d'autres. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ben c'est la Société d'horticulture de la Mauricie. 375-9384. Sur le numéro de téléphone, 375-9384. Je te vole les mots de la bouche, hein? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Larry Hodgson, allez voir jardinierparesseux.com. C'est son nom, jardinierparesseux.com. Donc, comme je disais, on a deux paires de billets à faire tirer pour cette conférence-là qui a lieu après-demain, mercredi le 10 février. Je rappelle l'adresse, c'est au pavillon Maurice Pitre, 6455 Notre-Dame-Ouest, près du pont. Ça part sur les plantes grimpantes. Donc, vous pouvez nous appeler au 819-376-5183. On attend votre appel, 819-376-5183. On prend une pause et on revient. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et Mathieu, tu as fait quelques petites découvertes musicales récemment. Et tu veux nous faire écouter ça? Oh, mais que oui! Et que c'est bon. Je vais les passer en premier, on en reparlera après. Ouais, okay. On va entendre du Globes on Remote tantôt, mais on commence avec Plush Gun. Voici Let Me Kiss You Now and I'll Fade Away. Assemblage Requis. I know that it's too soon, but it's the final days. 'Cause playing all these games just a time to waste. As soon as I met you, it all began to fade. So let me kiss you now and I'll fade away. You say you should be free, I know you said that once. Just tell me it be me if you ever break that thought. 'Cause I like you, yeah, I like you, so I wrote this song. Now let me know that I will move along. Drift DT Lips and the Paperback Porn Writer de la formation Globes on Remote. C'était précédé de Let Me Kiss You Now and I'll Fade Away par Plush Gun ici à Assemblage Rock. Donc, c'est des découvertes musicales que tu as fait récemment. Et d'où tu sors ça, en fait, ces artistes-là, que je connais pas, moi, personnellement? Excellente question. Pour commencer, je suis des séries là sur Revision3.com, qui est une web télé qui a des racines dans des stations technologiques que j'écoutais dans le temps, Tech TV et G4. Et puis, les animateurs de ces stations-là, à un moment donné, se sont soit fait sacré d'or ou ont décidé de partir parce que la station devenait de moins en moins technologique et de moins en moins geek et de plus en plus mainstream. Et bref, eux devenaient de plus en plus big. Exactement. Donc, ils ont parti Revision3.com. Et puis, là-dessus, il y a des séries que je suis à chaque semaine. Et puis, donc, la première pièce de Plush Gun, c'est la chanson de fin de générique pour Landline TV, qui est une émission de sketch sur Revision 3. Et donc, Plush Gun, qui a été formé par Daniel Ingala, qui avait créé la chanson Just Impolite. Dans le temps, il avait posté sur MySpace. Et rapidement, ça avait pris d'ampleur. Ça avait été dans une autre série télé qui n'est pas sur Revision 3, qui s'appelle We Need Girlfriends. Ils ont sorti un maxi à l'été 2008. Et puis là, ben, finalement, ils ont sorti leur album Pins and Panzers en 2009. Et puis, ils ont créé, ce qui est intéressant, je trouve, un vidéoclip pour la pièce Let Me Kiss You Now and I'll Fade Away qu'on a écouté, qui a coûté 99$. Donc, c'est un site ou une compagnie qui permet de créer des vidéoclips pour 100$ comme ça. Et puis, c'est pas mal cute. Allez voir sur YouTube. Jolie petite histoire. Un gars qui rencontre une fille. Bref, Plush Gun et l'album Pins and Panzers. Voilà. Sinon, après ça, on a entendu Globes on Remote. Eux, ça vient d'une série qui s'appelle Instant Messages sur Revision 3, où ils prennent des messages soit Facebook, Twitter, Craigslist, n'importe quoi, de choses qui se sont vraiment passées. Donc, des pubs, mettons, sur Internet. Quelqu'un qui cherche une fille ou quelque chose de genre. C'est n'importe quoi. Des publicités que les gens postent là, un peu à la Do You Look Good là, sur Internet. Et puis, recréer ces histoires-là avec des acteurs. C'est vraiment super le fun d'écouter Instant Messages. Et bref, eux mettent en vedette souvent des groupes de LA. Et puis, Globes on Remote en faisait partie. Donc, c'est pour ça que je les ai connus. Et puis, c'est assez difficile de trouver des chansons dans des séries télé quand il n'y a pas vraiment de paroles. Hein? Ouais, c'est ça. Ah, les gars. Mais bon, après quelques recherches, j'ai fini par les trouver. Et je les ai achetés sur iTunes, donc ça a fonctionné pour moi. Ils ont réussi à m'avoir. Mais t'es quand même bon de les avoir trouvés parce que souvent, c'est frustrant. On entend souvent dans les séries télé des pièces. Puis, faut que tu sois vraiment attentif pour capter plus d'informations. Parce que des fois, même... tu sais, des fois, c'est pas des versions originales, ou tu sais, même si tu checkes le générique à la fin, ou... Des fois, c'est juste l'artiste avec le nom de la personne qui a écrit la chanson, ça en dit pas assez. Il faut que t'écoutes vraiment l'album au complet, parce que dans l'exemple de Globes on Remote, le bout de la pièce qui est dans le thème est très, très loin dans la chanson, donc il faut vraiment un extrait se passer sur MySpace. Tu peux pas réussir à trouver ça, à moins de vraiment chercher longtemps. C'est pour ça que je les ai achetés, finalement, parce que t'avais pas le choix de l'acheter pour l'entendre au complet, ça. C'est difficile, des fois. Vive Google, vive Wikipédia, vive un paquet d'endroits pour trouver des informations. Et parlant de musique et de télévision et du mélange des deux, qu'est-ce qui se passe de bon cette semaine? Est-ce que tu as réussi à débusquer quelques trucs dans les émissions de fin de soirée, des artistes intéressants qui vont être en prestation? Oui, pas tellement, mais oui, il y en a quelques-uns en effet. Aujourd'hui, on est le lundi 8 février à l'émission de Jimmy Kimmel, qui est une rediffusion en passant, et ça c'est à 5:00 sur ABC. Il y a la formation de Bravery, qu'on a déjà eu dans nos palmarès ici même à C'est fou. Sinon, mardi le 9, il n'y a pas grand-chose, je te dirais, de très, très intéressant côté invités musicaux. Pour certains, peut-être Regina Spector à l'émission de Jimmy Fallon. Ça pourrait intéresser certains. Mercredi, dans deux jours, à Jimmy Kimmel, encore une fois. Et là, ça a l'air d'être un nouvel épisode. Oui, c'est ça, c'est un nouvel épisode. Ils sont en reprise les lundis, eux autres, Jimmy Kimmel. The Editors à l'émission de mercredi. Et puis, c'est Maxime Lemieux-Laramé qui va être très heureux d'entendre ça. Mais à Jimmy Fallon, 1:35, mercredi, sur NBC, il y a Yesayer. Ou Yesayer, comme vous voulez dire. Yesayer. Yesayer. Yeah. Qui ont sorti un nouvel album récemment. La semaine dernière, je pense que Maxime nous disait tantôt hors d'onde. Donc, ils vont être en prestation cette semaine. À Jimmy Fallon, l'album Odd Blood. Odd Blood. On va justement... Est-ce que c'est ça? Oui, ben oui, février 2010. Ensuite, passons à jeudi, toujours dans les invités musicaux, ça va? Oui, c'est ça, non, je me demandais s'il y en avait d'autres. Oui. En fait, jeudi, il n'y avait rien. C'est vendredi, et là, je le mentionne parce que sinon, j'aurais pas grand-chose à dire dans cette chronique-là, mais Dashboard Confessional à Jimmy Kimmel, vendredi, pour ceux qui aiment ça. Oh, et Selena Gomez, elle fait de la musique quétaine, c'est une artiste de Disney, mais elle fint. Jimmy Fallon, vendredi. Ça fait le tour des nouveautés, des invités dans les talk shows, invités musicaux. Donc nous, on va écouter un extrait de ce nouvel album de Yes I Are qui vont être à Jimmy Fallon mercredi, tu disais? Ouais, c'est ça. Et donc c'est ça, c'est un nouvel album, on en écoute un extrait. Et juste au cas où Maxime serait à l'écoute présentement, je tiens à lui dire que le groupe Yes I Are sont en prestation le 10 mars prochain à Berlin. Juste pour toi. On écoute la pièce Ambling Hope. Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. On est ensemble pour encore une quinzaine de minutes. Yes, et la pièce Ambling Hope par Assemblage Requis. Voilà, l'émission tire à sa fin déjà, Mathieu, mais il reste encore un petit peu de temps. On va aller écouter une pièce d'un groupe qui vient de Trois-Rivières, qui est plus vraiment basé dans le coin, je crois, Caïman Fou. Mais ils sont souvent en spectacle dans le coin ici. Ils pensent souvent à nous, à leurs gens de Trois-Rivières. Ils vont justement être en spectacle demain soir, mardi, au Gambrinus, ici, à côté de l'université. C'est la place où ils vont le plus souvent. Oui, c'est pas mal leur place. À chaque fois qu'ils viennent à Trois-Rivières, ils sont là. C'est assez régulier. Plusieurs fois par année, ils font un spectacle au Gambrinus, Caïman Fou. Ils ont des lits dans le coin. Ils sont toujours les bienvenus au Gambrinus. Ils sont chez eux, au Gambrinus. Et c'est ça, j'ai cru entendre quelque part qu'il y aurait des nouvelles pièces dans ce spectacle-là. On sait que leur dernier album, Drôle d'animal, date de 2 ans, date de 2008. Tu peux pas tout à fait 2 ans. Et c'est ça, je réussis pas vraiment à trouver d'informations concernant un nouvel album. Il n'y a pas de nouvel album d'annoncé, mais je me souviens pas où j'ai entendu dire qu'il y aurait quelques nouvelles pièces. Donc, demain, pour éventuellement préparer la sortie d'un nouvel album. Mais ça reste vraiment des rumeurs qui ne sont pas fondées. Et nous, à C'est fou, on a eu plusieurs extraits de leur album Drôle d'animal dans le palmarès. Là, on pense à Amour poursuite, Mon cœur est une bombe, Drôle d'animal, la pièce titre. Tout ça, ça joue encore aujourd'hui. Tout le monde se lance ces pièces-là une fois de temps en temps. Ils ressortent qu'ils m'en foutent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais nous, on va se faire jouer Oui, mais non. Mais en pas trop, quand même. Ben là, j'ambitionne pas du tout. OK. Il y a des groupes comme ça qui entrent dans le palmarès et n'en ressortent jamais. Ben pas du palmarès, mais de C'est fou. Là. On pas chanceux, hein, parce que dans le fond, s'ils sont dans les palmarès tout le temps, ils sont pognés avec toi tout le temps. Bref, on écoute Caïman Fou tout de suite. Oui, mais non à Assemblage Requis. Non, bon, non, je suis plus en vie. Il fait sa princesse encore. Non. Moi, je m'en vais. Non. Bon, t'sais, on finit ici. Donne-moi le goût. Sont-tu là, les filles? Donne-moi le goût. Commencez. Ah oui. Oui, maintenant, avec Caïman Fou, c'est au Gambrinus demain soir, mardi le 9 février. Maintenant, on essaie un nouveau concept. Voici la chronique technologique CNX. CNX, la chronique de la bibliothèque, la radio. Et le but de la chronique technologique CNX aujourd'hui va être de faire le plus de choses possibles en dedans d'un... On se donne un délai maximal de 3 minutes, je pense. 3 minutes, ça va-tu? C'est une petite vite aujourd'hui. Okay, attention, je reset ça. 3 minutes, go! OK, on commence avec une vidéo sur YouTube. Je n'ai même pas Kiwi sur l'ordinateur. Up to You and Me, featuring Jim Parsons sur YouTube. Donc, c'est le chanteur, c'est Zach Selwyn avec son frère Jesse Selwyn qui chante une chanson avec Jim Parsons de l'émission The Big Bang Theory, une émission super nerd en arrière. C'est une émission vraiment, tu sais, comme scientifique, geeky et tout ça. Donc, il chante sur un paquet de gens qui devraient se soucier du cancer. C'est vraiment super le fun comme vidéo. Je ne peux pas la faire entendre, mais bon, c'est Up to You and Me. Le lien est sur assemblagerequis.com. Un petit logiciel qui s'appelle Format Factory. Donc, il y a une petite vidéo de lockernome.net qui vous montre comment ça fonctionne, ce logiciel-là. On peut pitcher n'importe quel fichier, que ce soit document, son, vidéo, un texte, pour pouvoir le convertir en un autre fichier dans la même catégorie. Par exemple, un son de Wave à MP3 à AIFF ou à n'importe quoi. Un vidéo de Move à AVI, à MPEG, n'importe quoi. Ça fonctionne super bien. C'est super gratuit. C'est génial. Ça s'appelle Format Factory. Je trippe sur ce logiciel-là. Prochain site, c'est sur oneup.com qu'on nous montre les 101 jeux gratuits de 2010. Donc, tout plein de jeux que l'argent ne peut acheter parce que c'est gratuit. Ils font ça chaque année. Il y en a eu en 2006, 7, 8 et 9. C'est divisé par catégorie, stratégie, plateforme, jeux bizarres, shoot'em up, puzzle, jeux d'aventure, jeux de rôle, jeux d'action arcade. Il y a comme 8 pages de jeux là-dedans. C'est 101 jeux gratuits. Oneup.com est le site. Vous avez sûrement entendu parler de toutes les publicités du Super Bowl qu'il y a eu cette année. Vous avez peut-être vu des sites où aller voir toutes ces... Oh, 1 minute 30 déjà. Tous ces vidéos-là, il y a plein de liens sur Internet, mais mon préféré, c'est celui qui est la chaîne YouTube de AdBlitz. Donc, c'est youtube.com/AdBlitz, A-D-B-L-I-T-Z. Là-dessus, on peut voir toutes les publicités de 2010 et voter sur chacune. Donc, page par page, il y a un vote oui ou non, t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Donc, c'est vraiment des images que tu cliques dessus. Quand tu cliques, ça l'ouvre sur un genre de petit pop-up par-dessus, mais c'est tellement, tellement bien fait. Et comme c'est YouTube et qu'il n'y a aucune restriction de pays, vous pouvez voir toutes les publicités et de où elles viennent. C'est génial, c'est youtube.com/AdBlitz. La journée mondiale sans Facebook, si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, ils appellent à la plus grande grève virtuelle de l'histoire. On arrive à 2 minutes. La plus grande grève virtuelle de l'histoire, le boycott de Facebook pendant une journée, le 28 février 2010. Le but va être de rappeler à l'administration de Facebook combien elle dépend de ses utilisateurs et pas l'inverse. Protester contre l'intrusion dans la vie privée et les publicités ciblées en fonction du contenu des publications. La prise en compte de l'avis des utilisateurs de Facebook sur les boutons « j'aime pas » et « je m'en fous », mon gros enjeu ici. Désintoxiquer les Facebook addicts et sensibiliser les personnes à la cyberdépendance. Et il y a aussi sécuriser Facebook. Donc, durant la journée du boycott qui est le 28 février, vous n'irez pas sur Facebook. Vous pouvez aller voter, dire que vous allez aller à cet événement-là. En cliquant sur l'événement Journée mondiale sans Facebook sur facebook.com. Et oh, il reste 5 secondes, chatroulette.com qui est un nouveau service pour chatter par webcam et par microphone avec des gens de partout dans le monde. Donc vous cliquez, ça vous choisit une personne au hasard, votre webcam s'allume et là vous pouvez chatter puis les 3 minutes sont dépassées. Parfait, donc c'était la version petite vite de la chronique CNX pour aujourd'hui. Je pense que ça fait le travail, ça, un petit 3 minutes de même, short and sweet. Et c'est ce qui m'a fait à l'émission. Cette chronique CNX, même si elle était très brève, va quand même se retrouver dans la version longue de CNX, CNX.zip, qui est maintenant les jeudis à 10h, animé par toi, Mathieu Plante. Et... Et voilà. C'est la fin de l'émission. C'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain mardi à 15h avec une toute nouvelle émission et la présence d'Émilie Gauthier pour sa chronique plein air. On va aussi demain parler des quelques nouveautés musicales qui auront retenu mon attention. Et il y aura plein d'autres trucs aussi demain. Oui, restez là parce que Donne-moi le goût s'en vient à 17h, puis Crowd Rock, Le Voyage des Solites et C'est au poil à 22h. Bonne soirée, Kiwan. Respecte les plantes grimpantes, Mathieu. Oui, ben toi aussi, jardinier paresseux. On se quitte avec Sur ton île du nombre. Bye. Bye.